Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'art de la copie et du faux à travers les âges. Vous dites à la fin les 25, 26, 27 et 28 décembre 1983, c'est-à-dire en 5 jours, allez, disons 5 jours, j'ai peint 26 tableaux post-impressionnistes à la manière de Modigliani, Vlaminck, Dorin, Picasso, Marquet, Dufy. C'est fou, mais vous passez de l'un à l'autre ? Oui, oui, sans difficulté. Sans aucune difficulté. Aucune. Quand il reçoit le peintre faussaire d'origine québécoise Réal Lessard à son émission Apostrophe en 1988, vous l'entendez, Bernard Pivot est complètement fasciné par le personnage. Comment, en effet, ne pas être soufflé par le talent de cet artiste qui réussit apparemment sans trop de difficulté à peindre des tableaux à la manière des plus grands maîtres? Les tableaux de Réal Lessard seront ensuite vendus à son insu, une petite fortune, à des collectionneurs qui n'y verront que du feu. De tout temps, il faut le dire, le faux et la copie feront partie de l'histoire de l'art, et bien qu'on les confonde souvent l'un et l'autre, le faux et la copie n'en restent pas moins deux phénomènes distincts, malgré les apparences parfois trompeuses. Les affaires vont bien pour Meng Jingchun et son commerce de faux tableaux. De Van Gogh à l'incontournable Joconde, il vend de tout et surtout à l'étranger. Il a expédié pas moins de 4 conteneurs de tableaux à Vancouver cette année. Ailleurs, ce serait mal vu, mais dans la nouvelle Chine capitaliste, Meng Jingchun est un symbole de savoir-faire. Il y a 5 ans, je n'étais qu'un petit artiste, raconte-t-il. Maintenant, j'ai mon propre commerce. Il propose une Joconde encadrée à 60 $. 40 $ si vous en commandez 10. Des tableaux peints par des artistes comme Liu Dongcheng. Il fait partie des 5000 peintres qui gagnent leur vie à copier les grands maîtres. Il lui faut moins de 2 jours pour reproduire la Joconde. Il a fallu 4 ans à De Vinci, dit-il. Ce n'est pas la même chose, en autant que ça se ressemble. Loin de condamner cette pratique, les autorités chinoises l'encouragent. À Shenzhen, on compte pas moins de 600 galeries d'art regroupées dans un même quartier. Liu Dongcheng est tellement occupé à copier les autres qu'il n'a pas le temps de faire ses propres tableaux. Ma priorité, dit-il, c'est l'argent. Plus tard, je deviendrai peut-être un vrai artiste. Extrait d'un reportage de Michel Cormier au Téléjournal du 4 septembre 2006 pour nous parler de l'importance de la copie et du faux dans l'histoire de l'art. Je reçois Hélène Delalex, qui est conservatrice du patrimoine au château de Versailles. Hélène Delalex, bonjour. Bonjour. Quelle différence y a-t-il d'abord? D'abord, c'est fascinant ce qu'on vient d'entendre. Ça montre la démesure que peut parfois prendre l'art du faux. Mais faisons tout de suite une mise au point. On va parler de la copie et du faux dans cette émission. Quelle différence y a-t-il d'abord entre copie et faux? Alors, dans votre extrait, justement, le commentateur parle de faux alors qu'il ne s'agit pas de vrai faux, si je puis m'exprimer ainsi. C'est simplement de la reproduction. Quand on fait des jocondes au kilomètre, on ne prétend duper personne, si ce n'est finalement simplement de s'offrir une reproduction de qualité. Voilà. On sait qu'on achète une copie. Absolument, donc ce n'est pas le vrai faux. La copie et le faux, effectivement, comme vous le disiez, ils sont souvent associés. Et la copie est souvent prise pour un faux ou en tout cas associée à un jugement dévalorisant. La différence fondamentale, déjà, c'est qu'il y en a une qui est parfaitement légale et l'autre qui est totalement illégale. La copie, c'est tout à fait légal. Il y a même des associations de copistes, association loi 1901, qui vont copier dans les musées depuis toujours. La condition étant de changer de format. La copie, on le verra, c'est une pratique fondamentale de l'histoire de l'art pratiquée par les plus grands artistes. Alors que le faux, donc le plagiat, si vous voulez dire, la contrefaçon, c'est puni par la loi. Et je dirais, l'essence du faux, elle n'est pas dans l'imitation, dans la copie. Elle est dans l'intention de l'auteur de tromper. Ouais. C'est dans cette attitude, finalement, de dire, eh bien, on va vous donner une œuvre qu'on fait passer pour authentique, mais qui ne l'est pas. Donc, intention criminelle. Et au fond, le moteur du faussaire est toujours intéressé financièrement. Absolument, il n'y a pas de copie, faux. Et d'ailleurs, c'est toujours très intéressant pour nous, les historiens de l'art, c'est que l'histoire du faux, c'est aussi l'histoire histoire du goût. On ne va pas faire des faux sur un artiste qui n'a absolument aucune valeur. Et on voit que quand il y a ce goût pour les primitifs flamands, par exemple au début du siècle, on a beaucoup de faux de primitifs flamands. Quand Vermeer commence à ressurgir dans l'histoire de l'art, eh bien on a des faux Vermeer. Donc c'est aussi effectivement en fonction du marché de l'art et de l'histoire du goût pour évidemment avoir un profit conséquent. Alors que la copie fait partie de l'évolution même de l'art et de l'histoire de l'art, elle est, vous le disiez, légale. Non seulement elle est légale, mais depuis tout le temps, elle est pratiquée avec légitimité, acceptée, la copie. Ça commence quand, l'histoire de la copie, et de quelle manière on l'utilisera, la copie, dans l'histoire de l'art? Mais la copie, elle est présente d'une manière transversale, de l'Antiquité jusqu'à l'art contemporain, le plus contemporain aujourd'hui. Donc c'est une pratique fondamentale de l'art et qui est présente aussi à tous les processus de création. On copie d'abord pour transmettre. Rappelons-nous, pendant jusqu'au XXe siècle, nous n'avions pas la reproduction photographique ou aujourd'hui numérique. Donc on copie pour transmettre, par la gravure, par les petits bronzes, un modèle. C'est comme ça finalement l'histoire de l'art se fait, que dans le nord de l'Europe, on est au courant de ce qui se fait en Italie, inversement, etc. Donc on copie pour transmettre, aussi pour transmettre par exemple lors des icônes, les traits sacrés des visages du Christ ou de la Vierge par exemple. Donc une bonne œuvre, c'est une œuvre qui est parfaitement fidèle au prototype, au modèle de départ. Et puis ensuite, les artistes, ils copient surtout pour apprendre. On commence comme ça, mais les enfants commencent aussi par copier. On copie dans l'atelier du maître, puis on copie à l'Académie des Beaux-Arts, puis on copie au musée. Et les maîtres aussi commencent à copier d'autres maîtres, des maîtres déjà reconnus. Et cette fois-ci, ils copient pour comprendre. C'est-à-dire que copier, c'est aussi finalement une déclaration amoureuse à une œuvre. Et on copie pour essayer de comprendre les secrets de la machinerie d'un tableau qui vous fascine. Oui. Rodin, parce qu'en sculpture, ça se fera aussi, mais on a tous ces images, en fait, de justement l'atelier avec ses élèves, ses apprentis, qui, plus on s'approche de la copie parfaite, plus au fond, on fait la preuve d'avoir acquéri. Oui, la copie, c'est pour se faire la main, c'est aussi une école des formes. Aussi, on se fait l'œil pour ensuite de pouvoir créer. Et ensuite, c'est très fascinant aussi de voir les trajectoires des grands élèves par rapport à leur maître, qui commencent déjà par les copier et ensuite qui s'émancipent. En fait, le génie en fait vient de la copie. La technique apprise qu'on pousse plus loin par la suite. Qu'est-ce qu'une copie réussie? Que tente aussi de reproduire le copiste? Écoutez David Stein parler du travail et de la démarche du copiste au micro de Marie-Pierre Carretier à l'émission L'Art aujourd'hui en 1977. Une copie de peinture n'existe pas en réalité. On ne peut pas faire une copie exacte. Pour une bonne raison, c'est que jamais le pinceau peut suivre exactement la même destinée que le pinceau du peintre. Par exemple, si vous faites une copie de la Joconde, ça sera approximatif, mais ça ne sera jamais une copie exacte. C'est pas possible. Et puis de toute façon, pour quelqu'un qui veut imiter un autre peintre, il faut recomposer des sujets dans le même style, si vous voulez, ou dans la même veine, mais des sujets quand même un peu différents. Alors comment vous faisiez exactement pour rentrer dans la peau du peintre? Parce que c'est un peu ça, quoi. On ne rentre pas dans la peau de quelqu'un, ça je ne crois pas. Je crois seulement que ce qui compte, c'est d'avoir, effectivement, les peintres que j'ai imités, c'est parce que j'aimais leur peinture. Bon, donc il y avait, si vous voulez, des affinités avec quelqu'un. Mais on ne devient pas quelqu'un d'autre. Ça, je ne crois pas à ça. Par contre, je crois que ce qui était très important, c'était par exemple dans le cas d'un Picasso, ou d'un Cocteau, ou d'un Chagall, je connaissais parfaitement leur vie. Savoir pourquoi et comment Chagall, à telle année en Russie, a peint, pourquoi il représente son village de Vitebsk, pourquoi ses fantasmes, ça s'explique quand on lit ses biographes. Ouais. Donc on est très proche, il faut être très proche du peintre. Il ne faut pas attaquer un peintre, si vous voulez, sans connaître quand même sa vie. Voilà. C'est intéressant, cette démarche. Il parle, David Stein d'ailleurs, Hélène Delalex, d'imitation. Mais ça nous dit quoi, en fait, sur l'art et sur la façon dont on fera des copies tout au cours de l'histoire? Il nous dit deux choses intéressantes. D'abord, de l'excellente connaissance d'un faussaire de l'objet. On est très loin des Chinois, comme ça, qui copient des Van Dongen, des Léonard de Vinci à la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a une relation, effectivement, très intime aussi entre un faussaire et ce qu'il va copier. Et on va le voir, c'est aussi des faussaires qui sont assez géniaux parce que, comme il le dit, un vrai faux, encore une fois, ce n'est jamais une copie, en fait. C'est Autrement, on se retrouve avec deux œuvres identiques, oui. Et évidemment, le faux est déjoué immédiatement. Un vrai faux, c'est un faussaire justement qui, par cette connaissance extrêmement précise d'une œuvre d'un peintre, va par exemple être au courant d'une œuvre qui a été disparue, etc., d'une œuvre mythique, où il va inventer un style, il va peindre à la manière de, aussi parfaitement que le peintre, mais il va inventer une œuvre, en fait, qu'ensuite les experts vont avaliser. En fait, il y a des histoires assez fabuleuses où, par exemple, ce sera un nouveau tableau, un tableau qui n'existait pas. Il y a de grands faussaires qui vont, parce qu'ils connaissent très bien le parcours d'un artiste, dire « Ah, il y a là une occasion, il y a un petit trou, je pourrais faire un nouveau tableau et ce serait vraisemblable et crédible. » Oui, chez les grands faussaires, il y a beaucoup d'érudition, chez les grands faussaires de l'histoire, et puis, encore une fois, cette connaissance. Ichilo Yoni, qui est un des plus grands faussaires de l'histoire, qui imitait des primitifs siennois, était lui-même originaire de Sienne, un peintre-restaurateur originaire de Sienne. Il a vécu au sein toute sa vie de cette peinture siennoise qu'il aime plus que tout, et il va faire des faux extraordinaires qui vont berner Bernard Berenson, l'œil du siècle, hein, celui qui a fondé cette école justement de reconnaissance de l'écriture des peintres. Donc là, ça nous rend très modestes aussi au point de vue des musées, finalement, des faussaires absolument géniaux qui bernent les plus grands spécialistes, et surtout vraiment Bernard Berenson qui a fondé cette école de l'œil, justement. La copie et le faux, on le disait, c'est différent, mais c'est en même temps tout à côté l'un de l'autre, ce qui fait qu'on s'est un petit peu égaré sur le faux. On va y revenir, mais un petit mot quand même sur la copie et la façon dont elle évoluera dans l'histoire de l'art. De grands artistes vont s'inspirer, en fait, de tableaux qui existent déjà pour se les réapproprier. Cette forme de copie fait avancer l'art tout au cours des âges, Hélène Delalex. Oui, on a alors des grands peintres copieurs. Mais des clins d'œil aussi. Gustave Moreau. Oui, ben Gustave Moreau, je pensais Gustave à Soutine. Gustave Moreau, mais... Matisse, Manet a abondamment copié, notamment Matisse a réinterprété l'arrêt de Chardin. Il a travaillé 7 ans, c'est aussi. Et puis, il y a évidemment des peintres absolument boulimiques de copies, et au premier rang desquels Picasso, qui alors lui puise dans tous les départements, la préhistoire, l'antiquité, l'art ancien, pour finalement ingurgiter tout cela, et puis ensuite le digérer. Mais par exemple, Picasso a fait plus de 58 versions des Ménines de Velázquez. Mais on part aussi, là aussi, il y a toute une sorte de nuance, de la copie littérale jusqu'à la source d'inspiration, jusqu'à la transgression, la réinterprétation, et puis ensuite une œuvre radicalement personnelle qui s'inspire de cette œuvre prototype. L'autocopie aussi, à laquelle on insiste parfois, le peintre qui se copie lui-même. On parle d'une copie, mais ça peut être à l'intérieur d'un peintre. Mais ce n'est pas forcément un dialogue entre un maître et un autre maître, mais un dialogue intérieur. Et on a parfois des artistes qui se répètent, par exemple, pensons aux 30 versions des cathédrale de Monet, pensons aux multiples versions de la Sainte Victoire de Cézanne. Mmh. Et donc, c'est finalement pas du tout un indice d'une création en panne, finalement, qui se répète, mais une recherche pour arriver finalement à cette idée intérieure, cette perfection intérieure. Où on a autrement des artistes, par exemple, traumatisés par la guerre et qui, finalement, répètent comme toujours la même œuvre. Donc, on a des répétitions. Et puis, parfois, on a même avec Pollock et le Dripping ou même Buren ou même Ben, eh bien, des sortes de répétitions qui procèdent presque parfois de la griffe aussi de l'artiste, hein, cette reconnaissance comme ça d'un style immédiat. Ouais. Attaquons-nous maintenant en bonne et due forme au faux. Vous nous disiez que la copie, elle existe depuis toujours. Le faux. Il apparaît quand, à peu près, dans l'histoire? Le faux aussi, il apparaît dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on pratique la copie dès l'Antiquité, c'est-à-dire que les Grecs, ils copiaient les Égyptiens, et puis ensuite les Romains, ils faisaient des sculptures à la manière des Grecs. Et donc, ça, pour vendu comme copie, mais on a aussi Pline l'Ancien ou Vitruve qui nous dit non, parfois on avait des œuvres grecques avec des fausses signatures grecques, alors que c'était des Romains qui les avaient faites. Donc, là aussi, du moment où il y a une clientèle... Ouais. Donc dès l'Antiquité, les patriciens romains avec leurs nouvelles villas voulaient les décorer. Enfin, du moment où il y a une clientèle, du moment où il y a un marché de l'art, il y a des faux. Le faux, il l'est parfois, on l'a évoqué, mais il est parfois brillamment exécuté. On revient à cette entrevue qu'accordait le peintre d'origine québécoise Réal Le Sart à l'émission Apostrophe à Bernard Pivot en 1988. J'ai une mémoire photographique qui me permet de retenir ce que j'ai vu. Et des fois, pendant des jours et des jours, même des semaines, je vais complètement l'oublier et ça va me revenir jusqu'à ce que j'essaye de reproduire ce que j'ai vu. Ouais. Et ou de l'interpréter exactement. Alors, voyons quelques-unes de vos œuvres. On va commencer par un Vendongen, qui est d'ailleurs celui qui est sur la couverture. Portrait de femme avec chapeau à plumes, donc signé Vendongen, mais c'est votre œuvre. Et qui a été authentifié par Vendongen lui-même. Quand il a vu le tableau, en 61, trois ans plus tard, il a reconnu la dame. Il a pensé reconnaître la dame, parce que la facture... Il avait même pensé avoir couché oui, avec oui, elle. Oui, il a donné des anecdotes très intéressantes, d'ailleurs... À la personne qui lui a présenté le tableau, disant oui, c'était une ceci, une cela. Elle est partie sans le tableau, parce que j'espérais la revoir, avec le tableau, sans la signature, et elle devait revenir, elle n'est jamais revenue. Oui. Et c'est comme ça qu'elle a signé le tableau. C'est assez fabuleux comme extrait, Hélène Delalex, et ça nous dit, le dernier bout qu'on vient d'entendre sur Vendongen, le peintre lui-même, pas 20 ans plus tard, 3 ans après avoir fait l'œuvre, signe un faux, en fait, l'œuvre de Réal Le Sarre, en pensant que c'est son tableau. Ça montre que, vraiment, parfois, on est dans une œuvre de très, très grande qualité. Mais alors là, la boucle est bouclée, hein, quand vous arrivez à faire signer votre faux par l'artiste en question. L'extrait est intéressant aussi, parce qu'avec le ton un peu ébahi de Bernard Pivot, on voit aussi toute la fascination dans l'opinion publique des faussaires, justement. Il y a aussi beaucoup de complaisance, d'ailleurs. Enfin, on pourrait dire qu'ils sont très peu punis, d'ailleurs, on porte très peu plainte. Et il y a une vraie complaisance de la part de l'opinion publique, parce qu'on admire la technique, parce que finalement, ces faussaires, ils nous font entrer dans le secret des chefs-d'œuvre. On se demande qu'est-ce qui fait un chef-d'œuvre, etc. Donc, ça nous fait rentrer finalement dans ce secret des grands chefs-d'œuvre de l'art. Et puis surtout, l'opinion publique aime finalement secrètement voir le riche collectionneur Bernet ou le grand expert internationalement reconnu, lui aussi Bernet. Il y a quelque chose de populiste au fond. Tout à fait. Le renversement comme ça, tout d'un coup, des rangs et des positions. Ouais. Il y a dans cet extrait qu'on vient d'entendre aussi, Réal Le Sarre parle de celui qui l'aiguillait. Celui qui l'aiguillait, c'est le marchand d'art Fernand Le Gros. Il l'aiguillait, mais il l'a aussi escroqué parce qu'au fond, Le Sarre ne savait pas que ses tableaux étaient vendus ensuite à fort prix à des collectionneurs. Jusqu'où il ne savait pas, c'est la question, parce que Le Gros lui commandait clairement des faux. Alors, il croyait c'est un personnage important, Le Gros. Et la question, c'est, vous pourrez nous parler de Le Gros parce qu'il a travaillé avec quelques artistes faussaires. Oui, alors Le Gros, c'est l'élément qui fait que le projet est absolument machiavélique. C'est-à-dire que, en fait, c'est un trio. Il y a Le Gros, le marchand, et puis, en fait, deux faussaires, deux peintres, donc Le Sarre, et puis aussi Elmire de Horry, qui va être un grand faussaire, un grand peintre faussaire, qui sont un peu, qui n'ont pas confiance en leur talent, qui n'ont pas encore beaucoup de succès, et ils vont rencontrer finalement Le Gros, qui est tout le contraire, qui est une espèce d'histrion haut en couleur, qui se promène avec des perruques, des manteaux de fourrure, des grandes lunettes, et qui a aussi un culot absolument magnifique. Il peut affirmer avec une grande assurance absolument n'importe quoi, et donc c'est lui qui va permettre à ces deux peintres effectivement de pouvoir écouler tout ça. Il y a d'ailleurs une anecdote extraordinaire de Le Gros qui passe la frontière américaine avec dans ses valises énormément de faux de ces deux peintres. Il dit ce sont des copies, douaniers les font expertiser, ils disent non, ce sont des vrais. Et donc, Le Gros paie l'amende, mais n'empêche qu'il arrive sur le territoire américain avec un certificat du gouvernement, comme quoi les tableaux, valent le centuple. Et est-ce qu'il n'y a pas toujours une complicité volontaire ou involontaire? Parfois, de vrais experts indépendants se font tromper, mais pour qu'un faux soit un succès, est-ce qu'il ne faut pas d'une manière ou d'une autre qu'il y ait cette complicité volontaire ou involontaire d'un expert? C'est toujours un trio, c'est le faussaire, le client et l'expert. Le client, bon, plus ou moins complaisant, on en a vu qui était extrêmement naïf. Et puis l'expert aussi, qui joue un rôle fondamental. Et l'expert, c'est toujours un peu fluctuant. Finalement, ce qui fait la valeur d'une œuvre aujourd'hui, c'est jamais la qualité de l'œuvre ou l'œuvre elle-même. C'est le jugement qu'on porte sur une œuvre. Donc un expert qui dise c'est une école de Léonard de Vinci ou c'est un Léonard de Vinci, l'œuvre, elle va prendre le centuple. Donc il a un rôle absolument fondamental. Et parfois, involontairement, évidemment, il valide une œuvre qui est un faux. En même temps, il y a de très, très bons faux qui peuvent tromper les plus grands experts. Qu'est-ce qu'un bon faux? Qui seront les grands maîtres du faux? On écoute l'artiste Pierre Lapalme, alias Gaberian, parler du cas de Hans van Meegeren à l'émission Les Belles Heures en 1989. Van Meegeren procède comme font la plupart des faussaires, c'est-à-dire qu'il a peint sur un tableau ancien. Il a acheté un tableau du 17e sans valeur il se trouvait à ce moment-là à avoir une toile authentique. Parce qu'évidemment, on examine aussi l'authenticité de la toile. Et si vous avez un tableau du 17e et que derrière c'est écrit « Made in Japan » ou « Made in Korea » ou quelque chose du genre, ça peut, « Made in Taiwan », ça peut mettre la puce à l'oreille, évidemment, aux spécialistes. Alors, donc, en achetant un tableau du 17e, il avait une toile authentique. Mais en plus, c'est que ce tableau, lui, il était déjà vieilli. Donc, il avait sa craquelure. Et toute l'idée était de faire passer la craquelure ancienne sur le tableau qu'il allait peindre par-dessus. Donc, pour pouvoir accélérer la craquelure, ce que faisait Van Meegeren, c'était de peindre donc, sur ce tableau. Et ensuite, il prenait la toile et il la roulait sur elle-même. La roulant, il se trouve à briser la couche de peinture. Et la couche va briser, évidemment, là où sont déjà les craquelures anciennes. Et le dernier aspect, ça a été le fait que ces craquelures étant très anciennes, elles sont évidemment, elles ont ramassé de la poussière avec le temps. Donc, pour donner l'impression de la poussière, ça a dû être un travail absolument de bénédictin. Avec de l'encre, il a rempli chacune de ces craquelures pour les noircir et donner ce réseau. Et il faut penser que ces craquelures, c'est une toile d'araignée. C'est ce qu'on appelle des craquelures arachnéennes. Ce sont des craquelures absolument fines comme des cheveux. Alors, imaginez le réseau de craquelures et imaginez le travail qui consiste à remplir chacune de ces craquelures avec l'encre noire pour suggérer la poussière. Le talent, la connaissance technique aussi qui seront importantes dans l'art du faux. Qu'est-ce qu'un faux réussi, Hélène Delalex? Van Meegeren, c'est le faussaire du siècle. Hein. Il est originaire de Delft, d'ailleurs, comme Vermeer. C'est pas un hasard. Donc, il a là aussi une relation très intime. Et puis, il y a toujours une psychologie qu'on retrouve, c'est-à-dire c'est le peintre raté finalement qui se révèle être un magnifique faussaire. Il n'a pas de succès, il se fait étrier par les critiques et donc il prend sa revanche finalement en faisant des faux. Mais là, l'extrait insiste beaucoup sur la qualité technique évidemment des faux. On pourrait ajouter qu'il emploie du lapis-lazuli lui-même, qui est effectivement uniquement employé par Vermeer, très rare. Mais la qualité surtout des faux de Van Meegeren, c'est que il imagine finalement même plus qu'une œuvre qui n'existe pas, un style de jeunesse de Vermeer. Et en fait, les faux de Van Meegeren, ils ressemblent à tout sauf à des Vermeer quand on les voit. Donc c'est quand même très audacieux, parce qu'il sait que, notamment Abraham Bredius, le grand spécialiste de Vermeer, a émis l'hypothèse dans ses livres que Vermeer a été influencé par le caravagisme, par le biais de l'école d'Utrecht. Donc il livre des espèces de un style plus ou moins caravagesque. Et lorsque le grand spécialiste mondial voit ces œuvres-là, extrêmement bizarre, eh bien en fait, il valide sa propre hypothèse. Donc c'est absolument redoutable, finalement. Déjouer l'adversaire, mais vraiment de manière extraordinaire. En terminant, il en reste quoi de la copie, du faux, dans notre contexte aujourd'hui, dans le contexte, par exemple, de l'art contemporain? Mais la copie, elle est toujours pratiquée. C'est ça qui est absolument fascinant par beaucoup d'artistes. Et je pense, par exemple, à Bill Viola, qui a eu la grande exposition à Paris, au Grand Palais, il y a 2 ans. Donc un vidéaste. Et qui opère un travail très intéressant sur la copie, c'est-à-dire qu'il va rejouer dans des vidéos eh bien, les œuvres du répertoire, qu'on pourrait dire. Hein, notamment, il fait un travail passionnant sur Pontormo, avec la lumière, avec justement ces acteurs comme ça, comme une sorte de tableau vivant. C'est absolument passionnant. Et c'est aussi un regard. Ouais. Et je voudrais terminer vraiment par cette phrase que j'adore de Daniel Arras, qui est un grand historien d'art et qui résume tout. L'histoire de l'art a beaucoup à apprendre du regard des artistes. C'est-à-dire que rien ne va remplacer un artiste qui regarde un autre artiste et qui va comprendre des choses bien différentes d'un historien. Hélène Delalex, historienne de l'art, conservatrice du patrimoine au château de Versailles, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.